Chapitre 279. L'interdiction de l'arrogance et de l'injustice. Allah Ta'ala dit: فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Ne vantez pas vous-même votre pureté. C'est lui qui connaît mieux ceux qui le craignent. Sourate 53, verset 32. Il n'y a de voie de recours que contre ceux qui lèsent les gens et commettent des abus contrairement au droit sur la terre. Ceux-là auront un châtiment douloureux. Sourate 42, verset 42. 1589. Selon Iyad ibn Himar, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: Allah Ta'ala m'a révélé que vous devez être humble, afin que nul ne transgresse les droits d'un autre et ne le méprise. Muslim. 1590. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: quand une personne dit « les gens sont perdus », c'est lui le plus perdu de tous. L'interdiction concerne celui qui dit ceci avec vanité, pour rabaisser les gens et pour montrer sa supériorité sur eux. Cependant, il n'y a pas de mal à le dire avec tristesse à cause de ce que l'on voit chez les gens comme manquement dans leur religion. C'est ainsi que des savants tels que Malik ibn Anas, Al-Khattabi, Al-Humaydi l'ont interprété. Je l'ai par ailleurs clairement expliqué dans mon livre intitulé Al-Athkar, les évocations.